الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Les frères, essayez d'avancer parce qu'il n'y a plus de place dans la mosquée. Ceux qui sont au fond, essaient d'avancer au maximum. Ceux qui sont devant également, barakallahu fikum. C'est pas la peine de faire déplacer, se déplacer les gens pour prier deux raka'at. Ceux qui arrivent en retard, ils ne dérangent pas ceux qui sont assis. Et c'est pas permis de parler pendant le Jumu'ah. Donc celui qui avance, il dérange pas, ne dérange pas son frère, barakallahu fikum. Essaie d'avancer au maximum, il n'y a plus de place. وبعد أيها الناس نستقبل أياما فاضلة وعشرا مباركا أو مباركة هي خير أيام السنة أفضلها وأجلها شرفها الله تعالى وأعلى شأنها هذه الأيام يا عباد الله هي العشر الأول من شهر ذي الحجة ولهذه الأيام فضائل وخصائص عظيمة جليلة منها أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام في كتاب المجيد فقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في تفسير هذه الآية الكريمة هي العشر الأول من ذي الحجة أقسم الله بها لعظمتها وفضلها منها أن الله سماها أياما معلومات قال سبحانه وتعالى في سورة الحج واذكروا اسم الله في أيام معلومات عباد الله هذه الأيام موسما عظيما للتنافس في العبادات والقربات أيام معلومة تمر ولا ترجع ولا تعد ومن فرط فيها ما له بعد ذلك إلا الندم وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الإكثار من الطاعات في هذه الأيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أي العشر الأول من شهر ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء أخرجه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما من عمل هذا اللفظ عام فيشمل جميع الطاعات من الصلوات والصيام والصدقات والذكر وصلة الأرحام وطالب العلم إلى غير ذلك. وأعظم ما يتقرب بها إلى الله عز وجل فرائض الله تعالى الصلوات الخمس المكتوبة في مساجد الله. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. قد سمعت عبد الله أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب من العمل من غيرها، فما أنت فاعل؟ المسلم الذي يرجو الله والدار الآخرة يستعد لمثل هذه الأيام التي تعد فرص للإكثار من العبادات والقربات. ومن خصائص هذه الأيام أنها كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: تجتمع على أمهات العبادات الصلاة والصيام والصدقات والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. فيها فريضة الحج، وهو ركن الخامس من أركان الإسلام كما تعلمون، وفيها يوم عرفة سيد الأيام، وهو يوم مغفرة وعتق من النيران. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. فهذا اليوم يوم عرفة سيد أيام السنة وأفضل الأيام. فهذه بعض الفضائل والخصائص، فإذا تقرر ذلك كيف يتعامل المسلم مع هذه الأيام؟ هل يجعلها كبقية أيام السنة؟ لا، بل يستعد لها بقوة وبعزيمة. ومن أراد أن يستفيد منها حقا فليبدأ بتوبة صادقة وإنابة إلى الله مولانا تبارك وتعالى. أهل الدنيا والتجار إذا قرب موسم بيع كبير يستعدون له بجلب البضائع وبذل جهد كبير. وهذه الأيام أيها الإخوة هي تجارة مع الله، تجارة مع الله رب العالمين الغني الكريم، وسلعة الله هي الجنة. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للمتقين. ومن أمثلة العبادات التي يكثر منها المسلم في هذه الأيام ذكر الله. قال سبحانه: واذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أيام معلومات هي أيام العشر. ومن العبادات تلاوة القرآن والدعاء، منها الصلوات عن النوافل كالرواتب وغيرها، الصدقات، الصيام، وبالأخص يوم عرفة فإن الله يكفر به السنة الماضية والباقية، كما ثبت من حديث أبي قتادة عند مسلم. ومن العبادات النحر يوم العشر أو يوم العاشر. ومن أراد أن يضحي، قد ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره وهذا الحكم خاص لمن أراد أن يضحي، أما أهل من سيقوم بذلك لهم ذلك، وأسأل الله التوفيق. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه. Chers frères, nous sommes devant un mois où les 10 premiers jours sont les jours les plus bénis de l'année. Les jours où Allah subhanahu wa ta'ala a préféré l'adoration aux autres jours. Ce sont des jours bénis, les meilleurs jours de l'année. Allah tabaraka wa ta'ala nous a cité la noblesse de ces jours dans le Coran en jurant. Allah nous dit dans son livre, wal fajr wa layalin ashr. Allah a juré par les 10 nuits. Dans l'exégèse de ce verset, on voit que ce sont les 10 premiers jours du mois du Hajj. Nous allons bientôt entrer dans le mois du Hajj, le dernier mois de l'année. Et les 10 premiers jours de ce mois sont les jours les plus bénis et sont les meilleurs jours de l'année. C'est une période où nous devons nous préparer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec plus de motivation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait les compagnons radiallahu anhum à faire plus d'adoration durant ces jours-là, en leur disant: il n'y a pas des jours où l'adoration est plus aimée auprès d'Allah que les 10 premiers jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois du Hajj. Et le mois du Hajj va commencer mercredi prochain approximativement. Donc durant ces jours, ce sont les jours où l'adoration est la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons, lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont dit au messager d'Allah: c'est préférable à Allah que le combat dans le sentier d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oui, mais c'est encore plus aimé auprès d'Allah que le combat dans le sentier d'Allah. Excepté une personne qui part avec son argent et sa propre personne et qui ne revient avec rien de cela. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a généralisé lorsqu'il a cité les bonnes actions. Donc l'ensemble des bonnes actions sont préférables auprès d'Allah Azza wa Jal durant ces 10 jours que l'ensemble, que tous les autres jours, que durant l'ensemble des jours de l'année. Donc que ce soit les prières surrogatoires, obligatoires, que ce soit l'aumône, que ce soit un jeûne surrogatoire, que ce soit la piété filiale, la bienfaisance envers les parents, la lecture du Coran, le fait d'apprendre sa religion, l'ensemble des adorations qui seront accomplies durant ces jours-là sont préférées et préférables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure chose par laquelle tu peux te rapprocher de ton Seigneur durant ces 10 jours, les choses qu'il nous a rendues obligatoires. Les choses qu'il nous a rendues obligatoires. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah le Très-Haut a dit: et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc les actions qu'Allah aime le plus sont celles qu'il t'a rendues obligatoires. En commençant par la prière obligatoire. Les 5 prières obligatoires que tu accomplis à la mosquée en groupe, si tu es un homme. Et si tu es une femme, le mieux est de prier à la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc, qu'Allah nous dit: et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une action que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et il ne cesse de se rapprocher de moi par les actions surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, et lorsque je l'aimerai, je serai lui par laquelle il entendra, la vue par laquelle il verra, la main par laquelle il frappera, et le pied par lequel il marchera. Et s'il me demande une chose, je lui accorde. Et lorsqu'il me demande une chose, je lui accorde. Et s'il cherche secours auprès de moi, ou s'il cherche protection auprès de moi, je lui accorderai. C'est-à-dire qu'Allah mettra la bénédiction dans tout ce que tu regarderas, dans tout ce que tu prendras, dans tout ce que tu toucheras. Et Allah te facilitera le bien où que tu sois. On a donc compris ici que ces 10 jours ne sont pas comme les autres. Les 10 premiers jours du mois du Hajj sont les meilleurs jours de toute l'année. On doit donc les accueillir de la meilleure manière. Et on doit savoir que c'est une occasion de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi la particularité de ces jours, il y a le fait que ça réunit les plus grandes adorations. Il n'y a pas un mois, il n'y a pas des jours dans toute l'année où l'ensemble des adorations peuvent être réunies. Durant ces 10 jours, il y a la prière. Il y a le jeûne, comme le jeûne du jour de Arafat pour celui qui n'est pas au Hajj. Il y a les sadaqat. Il y a le nahr, le sacrifice. Et il y a le pèlerinage. Est-ce que toutes ces adorations peuvent se réunir dans une autre période de l'année? Non, elles ne peuvent se réunir si ce n'est durant les 10 premiers jours du mois du Hajj. Al-Hafidh ibn Hajar nous dit, ça doit être la cause pour laquelle Allah a préféré ces jours aux autres. Durant ces jours-ci, il y a l'obligation qui est le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage. Durant ces 10 jours, il y a le jour de Arafah, qui est le meilleur jour de l'année. Le jour où Allah sauve le plus de ses serviteurs du feu de l'enfer. Le jour où Allah pardonne. Aïcha radiallahu anha nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas un jour où Allah sauve plus ses serviteurs de l'enfer que le jour de Arafah. Il se rapproche et se vante d'eux auprès de ses anges en disant, que veulent ces gens-là? En parlant des gens qui sont venus au pèlerinage et qui sont sur la station de Arafah. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Donc nous ne devons pas nous comporter durant ces 10 jours comme on se comporterait durant les autres jours de l'année. On doit se préparer en ayant la ferme intention d'ajouter à nos adorations et d'adorer de la meilleure façon Allah tabaraka wa ta'ala et de suivre au maximum la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de te retrouver dans ces jours, le conseil qu'on se donne mutuellement, c'est de commencer par un repentir sincère, d'arrêter les péchés. Car la personne qui trouvera ces jours en étant constamment dans les péchés et en ayant sali son cœur ne tirera pas profit de ces 10 jours-là. Car le fait de te trouver debout devant Allah Azza wa Jal en l'adorant, c'est un honneur. Et Allah n'accorde pas cet honneur à celui qui lui désobéit. Donc, la meilleure chose à faire avant ces 10 jours-là, c'est de se repentir et de demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala pour nos manquements et nos péchés. Les commerçants, à l'approche des soldes, que font-ils? Ils se préparent et ils apprêtent leurs marchandises. Car ils savent que durant ces jours-ci, ils pourront faire beaucoup de bénéfices. Ben sache que pendant ces 10 jours-là, tu ne fais pas du commerce avec les gens. Tu fais du commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Et la marchandise n'est pas une marchandise terrestre, une marchandise de ce bas monde qui va périr. La marchandise, c'est la marchandise d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le paradis qu'Allah a préparé, un paradis plus vaste que les cieux et la terre. Et Allah tabaraka wa ta'ala t'appelle à cela. Allah tabaraka wa ta'ala t'appelle à rentrer dans ce paradis qui est vaste comme les cieux et la terre et qui a été préparé pour les gens pieux. Et parmi les exemples d'adoration que tu pourras mettre en pratique, il y a dhikrullah, le rappel d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien avant cela Allah dit dans le Coran, a invoqué le nom d'Allah durant des jours déterminés. Ibn Kathir nous dit qu'Ibn Abbas a dit les jours déterminés qui sont voulus dans ce verset sont les 10 premiers jours du mois du Hajj. Les 10 premiers jours du mois du Hajj. Parmi les invocations que tu peux dire, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ces paroles-là me sont plus aimées que tout ce sur quoi le soleil se lève. C'est-à-dire que tout ce bas monte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui dit Subhanallah wa bihamdi 100 fois, Allah lui pardonne l'ensemble de ses péchés. Allah lui pardonne l'ensemble de ses péchés. Même si ses péchés rempliraient l'écume de la mer ou seraient équivalents à l'écume de la mer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il y a deux paroles qui pèsent très lourd sur la balance, sont faciles à dire, légères sur la langue, et qui sont bien aimées auprès du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah l'azim. Donc ces paroles, dis-la avec abondance durant ces jours et en dehors de ces jours. Parmi les meilleures adorations, la lecture du Coran. Celui qui lit une lettre du Coran, Allah lui écrit une récompense. On lui écrit une récompense et chaque récompense lui sera multipliée par 10, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les adorations, les aumônes, as-sadaqat, le fait de dépenser de l'argent qu'Allah t'a permis à la recherche de sa satisfaction, le fait de jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en nous parlant du jour de Arafah, nous dit celui qui jeûne le jour de Arafah. Celui qui jeûne le jour de Arafah, Allah lui pardonne ses péchés de l'année passée et ses péchés de l'année à venir. Ça te pardonne deux années de péché, subhanallah, en jeûnant un seul jour. Celui qui jeûne le jour de Arafah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah par cela lui efface ses péchés de l'année passée et les péchés de l'année à venir. Ça t'efface donc deux années de péché, walhamdulillah. Parmi les plus grandes adorations que tu peux faire, les prières surérogatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui préserve 12 unités de prière par jour. 12 unités de prière surérogatoires par jour, Allah lui construit une maison paradis. C'est-à-dire 2 unités de prière avant la prière du matin, subh, sunnat subh. 4 unités de prière avant la prière de dhuhr. 2 après celle-ci. 2 unités de prière après la prière du maghrib. Et 2 unités de prière après la prière du isha. Ce qui fait 12 unités de prière. Celui qui fait cela, Allah lui construit une maison au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon, tu ne feras pas une prosternation sans que par cela Allah ne t'élève de degré. Chaque fois que tu te prosternes, Allah tabaraka wa ta'ala t'élève en degré. Et parmi les grandes adorations, le sacrifice le 10e jour du mois du Hajj. Et celui qui veut immoler la bête, il doit savoir qu'il n'a pas le droit, dès l'entrée du mois du pèlerinage, de se couper les ongles et de s'épiler, ou de s'enlever des cheveux. Dès l'entrée du mois du Hajj, dès l'entrée du mois du Hajj, du premier jour, ou de la première nuit du Hajj, si tu veux immoler la bête, tu n'as pas le droit, durant ces jours, de te couper les ongles, et de t'enlever des poils. Par contre, la famille de celui qui va immoler la bête, lui, a le droit de faire cela, les femmes, les enfants et autres. Ce jugement-là est propre à celui qui va immoler la bête. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit cela comme ça a été rapporté dans le recueil de l'imam Muslim. Et les savants disent la sagesse de cela est que les gens en pèlerinage vont faire certaines actions. Et parmi les actions, al-udhiya, le fait de ramener l'offrande, la bête, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et de l'immoler. Et Allah a voulu faire en sorte que les gens qui ne seront pas au pèlerinage puissent s'associer dans certaines actions avec les gens qui seront au pèlerinage, afin que ces deux groupes-là soient en relation avec leur Seigneur, afin que ces deux groupes-là ne soient pas distraits de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors Allah leur a interdit de se couper les ongles et de s'enlever des cheveux, comme la personne qui se trouve en état d'ihram. Et pour conclure, donc on s'annonce la bonne nouvelle de l'arrivée de ces 10 jours qui sont l'occasion de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration, c'est le but de notre création, comme Allah nous dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mais il y a des jours où on doit encore on doit faire encore plus d'efforts car ce sont des jours bénis. Et parmi ces jours-ci, il y a les 10 premiers jours du mois du pèlerinage. Was Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana ila kulli khayr wa an yu'inana al-ikthar min at-ta'at wal-qurubat fi hadhihi al-ashr al-awwal min shahri dhil-hijjah wa fi ghayriha innahu waliyyu dhalika wa akramu mas'ul. Allahumma salli wa sallim ala al-mab'uth rahmatan lil-alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et un rappel, car le rappel est profitable aux croyants, comme vous entendez régulièrement ces jours-ci, et parmi les choses qui font mal au cœur du musulman, car le musulman se soucie des soucis de ses frères, il y a ce que vous entendez en يعني في Burma et في سوريا, ce que vous entendez en Syrie et dans d'autres pays, les tortures que subissent nos frères et nos sœurs parmi les musulmans. Ces gens-là, ces criminels à qui Allah tabaraka wa ta'ala a enlevé la miséricorde de leur cœur, n'ont pas épargné les musulmans. Que ce soit leurs épouses, leurs mères et leurs filles, et que ce soit leurs enfants. فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Celui qui est arrivé au stade où il a la cruauté de châtier des enfants dont les actions ne sont même pas encore inscrites sur les feuillets des anges, quelle part il pourrait avoir dans l'au-delà? Il nous incombe donc à tous d'invoquer Allah Azza wa Jal afin qu'il enlève ce malheur et cette épreuve qui s'abat sur nos frères en Syrie et dans d'autres pays, comme en Birmanie, et comme cela fut le cas en Serbie et dans d'autres pays. Mais lorsque le sang d'un musulman est versé, certains pays mécréants ne font pas de bruit. Mais lorsque le sang d'un kafir est versé, quand bien même cela serait injustement, alors ils sont prêts à lever des pays pour attaquer d'autres pays. Et nous, on ne place pas notre confiance aux gens de telle armée ou de telle armée parmi les pays. Mais on s'en remet qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, فهو القوي العزيز. Allah est plus fort que ce kafir billah qui propage la terreur dans son pays et qui fait couler le sang des innocents dans son pays. فنسأل الله سبحانه وتعالى القوي العزيز أن ينتقم منه وأن يعجل بالعقوبة وأن يفرج بإخواننا المسلمين في سوريا وفي بورما وفي كل مكان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.